Les feux de détresse permettent d'avertir que quelque chose d'inhabituel se passe. Par exemple, une voiture ou une file de voitures qui roule à une allure anormalement lente peut être signalée ainsi. Ici, je vais devoir ralentir parce que je ne sais pas encore si je vais pouvoir dépasser la vache. Et parce qu'il n'est pas question de passer près d'elle à une vitesse élevée. Donc, pour ne pas surprendre les conducteurs qui me suivent et qui ne se doutent sûrement pas de ce qui se passe devant moi, j'allume les feux de détresse dès maintenant afin d'attirer leur attention. Réponse A.